Alors bonjour et bienvenue à cette émission un peu particulière de Ça roule radio, émission que je vais animer tout seul aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est Marc Bouchard. Vous m'avez peut-être reconnu si vous êtes un habitué de l'émission. Sinon, je me présente, je suis donc un blogueur, journaliste automobile et quelqu'un qui est surtout un passionné de voiture qui normalement anime cette émission avec son collègue et ami et bon journaliste. Et bon, j'en mets un peu, là, mais Luc déteste ça quand je fais ça, alors j'en rajoute. Alors normalement, je fais ça avec Luc Desormeaux, mais cette semaine, Luc est malheureusement comprimé ailleurs. Il a décidé de se lancer dans un chantier de rénovation qui l'occupe pas mal plus qu'il le pensait. Alors voilà, vous vous retrouvez tout seul avec moi pour une émission qui, vous vous en doutez, va peut-être être un peu écourtée. On parle d'une édition d'à peu près 30 minutes, peut-être un peu moins. Je vais quand même vous parler de certaines nouvelles de l'industrie et d'essais que j'ai eu l'occasion de faire au cours des derniers jours, des dernières semaines. Essais qui, ma foi, sont assez intéressants, surtout qu'il sera question de la Acura MDX, un utilitaire sport qu'on avait tendance à négliger un peu, mais qui revient en force pour 2017, et de la Genesis G90, un véhicule qui, sincèrement, m'a beaucoup impressionné. Mais parce qu'on est vendredi, parce qu'on est le 9 juin, parce qu'on est à la veille de la fin de semaine du Grand Prix, je me permettrai de vous parler de ce Grand Prix, justement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses à en dire. Bien sûr, on va parler de la compétition, on va parler de certains compétiteurs, et je vais parler d'une compétition qui se déroule totalement en marge du Grand Prix, mais qui donne une idée de l'importance de la Formule 1 dans le monde automobile. Ça s'appelle Infinity Engineering Academy. C'est un programme qui met en évidence les qualités d'ingénieurs de plusieurs Québécois et Canadiens. En fait, c'est pas uniquement canadien, il faut le préciser, puisque c'est un concours qui s'adresse à 7 pays différents. En fait, au total, il y a eu 12 000 participants qui se sont inscrits un peu partout dans le monde, un peu plus de 400, semble-t-il, au Canada. C'est réservé à des étudiants en ingénierie et, tenez-vous bien, ça leur donne l'opportunité, s'ils gagnent, d'aller travailler chez Renault Sport et chez Infiniti en Angleterre pour travailler notamment, rien de moins, sur la Formule 1. C'est assez intéressant comme principe parce que ça permet à des jeunes vraiment de maximiser leur intérêt pour l'automobile, mais surtout de faire la preuve de ce qu'ils sont capables au niveau de l'ingénierie. Alors hier, moi j'ai eu l'occasion d'aller participer à cette finale canadienne. Il y avait 10 jeunes qui provenaient d'un peu partout au pays, un seul du Québec, devrais-je dire. Les autres viennent un peu partout. Le gagnant vient d'ailleurs de London en Ontario. Il s'appelle Matthew Cousin, il a 23 ans. Et je dois vous dire que le défi qu'ils avaient à relever était assez spectaculaire, même si au premier abord, ça a l'air un peu ordinaire. Il faut vous dire que depuis 2 jours, ils sont ensemble. On leur a donné différentes épreuves à affronter. On les a mis ensemble pour former des équipes. Donc, ils ne se connaissaient pas d'avance. Ils ont dû apprendre à travailler ensemble. Ils ont dû apprendre aussi à relever différents défis. Je peux vous dire, là, on nous a dit, les juges nous disaient, on leur donnait une couple de trucs pas si faciles à faire et ils devaient s'en sortir pour trouver des solutions. Le défi ultime, c'était de créer un petit dragster, donc un petit véhicule de course, tout petit, quelques centimètres à peine, qui devait parcourir une certaine distance en ligne droite et qui devait être le plus rapide. C'est évidemment pas nécessairement si facile puisqu'on partait de pas grand-chose, on avait des contraintes technologiques aussi et c'était le 3 de 5 en fait. On avait l'impression des séries éliminatoires, là, c'était les deux équipes l'une contre l'autre. Il y a une des équipes, malheureusement, qui n'a pas été capable d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire que son bolide n'a jamais franchi la ligne d'arrivée. Il partait toujours à gauche ou à droite parce qu'une des roues avait plus de puissance que l'autre, donc le véhicule partait un peu croche. Quant à la deuxième équipe, celle du gagnant, Matthew Cousin, elle a réussi 3 fois sur 5, ce qui est quand même extrêmement intéressant, bien que ce ne soit pas très rapide. Je vous invite d'ailleurs à aller sur mon blog, marcbouchard.ca. Il y a un texte sur le Infinity Engineering Academy et j'ai mis dedans la vidéo de l'une des courses. Vous allez voir, c'est pas nécessairement enlevant ou spectaculaire. Par contre, la connotation technique, elle, était vraiment, vraiment très importante et c'est comme ça qu'on a réussi à choisir un gagnant. Mais ça faisait partie d'une des choses qu'on évaluait. Une autre des choses, on a même mis des journalistes à contribution. J'en faisais partie. On était dans une salle. Les jeunes venaient par groupe de 5, donc par équipe, se présenter, faisaient une espèce de fausse conférence de presse et nous expliquaient pourquoi ils aimaient l'automobile, nous expliquaient pourquoi ils rêvaient de s'en aller dans ce domaine-là et devaient faire la preuve, quand on leur posait des questions, de certaines connaissances et d'une certaine assurance. C'est stressant comme juge de devoir juger ça parce que on sait que la note va peut-être permettre à un jeune de réaliser son rêve et d'avoir une carrière dans un monde. Mais je peux vous dire que les 10 qui étaient là sont des gens qui sont des passionnés, qui étaient vraiment très intéressés par le monde de la Formule 1 et qui devraient probablement se trouver quelque chose sous peu dans ce monde-là, aussitôt qu'ils auront terminé leurs études. Il faut dire que plusieurs avaient déjà fait des stages internationaux. Il y en a qui avaient travaillé chez Audi. Il y en a qui avaient travaillé un peu partout. Donc, ce n'est pas des jeunes débutants, là, même s'ils avaient dans la début de la vingtaine à peine. Faut aussi préciser que l'an passé, c'est un gars de Gatineau, Félix Lamy, qui avait remporté le titre canadien. Il a déjà 6 mois de fait au niveau de Infinity en Angleterre. Il commence son stage chez Renault Sport. Il était avec nous hier. Il est très, très, très emballé de l'expérience. Il sait très bien que c'est une expérience unique, que c'est une chance unique qu'il a. Et d'ailleurs, hier, c'est le pilote de Formule 1 de Renault, Nico Hülkenberg, lui-même, qui est venu remettre le prix parce qu'on le sait, les ingénieurs et les pilotes sont souvent en communication pour essayer de maximiser les performances de la voiture. Bref, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas directement lié à la Formule 1, mais qui est spectaculaire, qui est intéressant et surtout qui permet à des jeunes dans un domaine extrêmement spécialisé de se trouver une alternative. Alors, je pense que ça mérite d'être souligné. Coup de chapeau à Infinity qui a lancé l'idée partout au monde. C'est la 4e édition, la 2e fois que la finale se tient à Montréal chez Luciani Infinity. Et honnêtement, ce sont des jeunes extrêmement intéressants avec qui on a eu l'occasion de discuter. Vraiment, là, c'est un concours qui vaut la peine d'être souligné. Ceci étant dit, on ne pouvait pas parler de ce concours-là sans parler du reste de la Formule 1. Et là, je vais me permettre une petite montée de lait. J'en ai un peu assez de voir les commentaires qui ont été partout sur les réseaux sociaux cette semaine contre Lance Stroll, en disant « on sait bien, lui il a de l'argent, son père avait de l'argent, c'est pour ça qu'il est là ». Il y a eu toutes sortes de commentaires de différentes natures. Jacques Villeneuve qui est allé bien sûr d'une entrevue en comparant presque sa situation et en nous expliquant comment sa vie à lui n'a pas été facile. J'en conviens, je suis persuadé que la vie de Jacques Villeneuve a été extrêmement difficile parce que son papa est décédé quand il était jeune, sa maman n'était pas nécessairement dans le meilleur des états pour s'occuper de lui. Bref, il a quand même travaillé fort, mais il a profité du nom Villeneuve. Quant au cas de Lance Stroll, on va lui laisser une chance. Le jeune homme a 18 ans, c'est sa première année. Il arrive d'un monde où il a été extrêmement performant. Si vous regardez son palmarès au cours des dernières années, vous allez voir qu'il a gagné à peu près tout ce qu'il a fait. Oui, il a un petit peu joué du coude dans certaines séries. En fait, on l'a même menacé de l'expulser d'une des séries parce qu'il était un petit peu trop brusque quand il était au volant. Malgré tout, c'est un jeune homme qui a prouvé qu'il avait du talent. Là, il a besoin de prendre un peu d'expérience. On est très exigeant parce qu'on a l'impression que parce qu'il avait de l'argent, il est arrivé là pour des mauvaises raisons. C'est vrai que d'autres pilotes auraient pu se rendre en Formule 1 au fil de l'histoire. Moi, j'ai un bon ami qui s'appelle Bertrand Godin, qui est un pilote talentueux et exceptionnellement talentueux, qui n'a pas eu l'occasion de percer sur le marché européen aussi bien qu'il l'aurait pu parce qu'il a manqué de budget. Mais malgré tout, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que Lance Stroll a profité de gros budgets qu'il n'a pas le talent pour performer. Donnons-lui une chance. On va voir ce qu'il va faire à Montréal. L'idée, écoutez, faut pas se leurrer, là, il ne gagnera pas à Montréal. Par contre, il pourrait se rapprocher dangereusement et même dépasser son coéquipier Felipe Massa. Je pense que si c'était le cas, ça donnerait un bon coup de pouce à sa réputation. Mais je vous le dis, donnons-lui une chance. Et Colin, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas de pilote canadien. Le dernier, bon, on le sait, c'est Jacques Villeneuve. Alors, au lieu de se déchirer nous-mêmes sur la place publique, à savoir si, parce qu'il est fils de milliardaire, il mérite d'être là, ben applaudissons plutôt ses exploits, applaudissons le fait qu'il nous représente quand même, et applaudissons le fait que c'est un jeune homme qui a réussi à gagner sur la scène internationale, et ça, je pense que c'est important d'en parler. La F1, ben, on le sait, c'est la question de la semaine. On a renouvelé le contrat pour 98 millions pour 5 ans. Est-ce que ça valait la peine? Mon idée, bien sûr que ça valait la peine. C'est un événement d'importance, c'est un événement qui attire toutes sortes de choses. Oui, bien sûr, on va entendre parler là, du sexe et de l'alcool et des parties. C'est vrai, il y a de ça. Il y en a à toutes les fois qu'il y a des gros événements. On ne se le cachera pas. Mais ça amène aussi des choses comme l'Infinity Engineering Academy, qui, je pense, mérite d'être souligné. Ça amène un événement international qui fait rayonner Montréal un peu partout. Et ça amène aux amateurs de sport automobile vraiment une fin de semaine d'activité. Pourquoi j'en parle? Parce que cette année en particulier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements qui se déroulent à Montréal parce que c'est le 50e anniversaire du Grand Prix du Canada. Grand Prix qui a commencé à Motorsport en Ontario, qui s'est déplacé au fil des ans, un peu, qui est allé en fait à Mont-Tremblant, qui est revenu à Motorsport, Mont-Tremblant, Motorsport, et qui finalement s'est arrivé sur l'île Notre-Dame, là où Gilles Villeneuve a gagné la première édition. Cette année, c'est le 50e anniversaire. Il y a une place du 50e au centre-ville. Il y a bien sûr la rue Crescent, la rue Peel. Si vous aimez les belles voitures, il y a des tonnes et des tonnes de belles voitures. Des voitures, en fait, que j'aimerais bien conduire si j'en avais l'occasion. Malheureusement, il semble que les propriétaires ne soient pas aussi d'accord que moi pour me laisser leur clé, ce qui est bien dommage. Mais malgré tout, je pense que ça vaut vraiment la peine d'encourager cet événement-là. Tout comme un peu plus tard, il y aura la Formule électrique qui va aussi mériter une forme d'encouragement, bien que je sois moins optimiste quant à la popularité de ce week-end-là. Bref, c'est le week-end de Grand Prix. On va espérer que dimanche, il fera beau sur la piste, mais qu'il pleuvra chez nous. Ma femme ne m'enverra pas faire le gazon, ça va me permettre d'écouter la course. En attendant, je vous invite à rester avec moi. On va faire une courte pause d'une minute ou deux. Je vous le rappelle, Luc Desormeaux n'est pas avec moi cette semaine. On aura donc une émission un peu écourtée. Ce sera quand même l'occasion pour moi de vous parler d'essais de véhicules que j'ai eu l'occasion de faire récemment, notamment l'Acura MDX et la Genesis G90. Tout ça dans quelques secondes. On vous revient et on reparle automobile. Bonjour, alors nous sommes de retour, c'est Marc Bouchard pour cette émission particulière de Ça roule radio, une émission que je fais en solo parce que mon ami Luc a décidé de jouer au petit castor bricoleur pour la fin de semaine. C'est quand même lui qui va faire le montage de l'émission, je vous le dis là, mes connaissances techniques sont un peu trop limitées, du moins en audio. En revanche, on parle quand même de certains éléments, je vous l'avais promis, on va parler d'essais. D'essais, entre autres, d'un véhicule qui m'a fortement impressionné, et c'est la Genesis G90. Il faut savoir que la Genesis, c'est la nouvelle version, si vous voulez, des voitures haut de gamme de Hyundai. On a voulu se distinguer, on a voulu créer vraiment une marque indépendante et qui offre beaucoup, beaucoup de services beaucoup plus personnalisés. Entre autres, on vient vous livrer la voiture chez vous et si vous le désirez, toute la transaction peut s'effectuer directement chez vous. C'est-à-dire que vous téléphonez, on se rend chez vous, on va vous faire essayer la voiture. Si ça fonctionne, vous remplissez les papiers, tout est fait, et bon, on vient vous livrer la voiture. Quand vient le temps de faire l'entretien, on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on vient chercher la voiture chez vous, on vous en laisse une en échange, et ainsi de suite. Donc, vous pourriez ne jamais mettre les pieds dans une concession si vous achetiez un véhicule Genesis. C'est évidemment une contrepartie, si vous voulez, au véhicule allemand de grand luxe. Et honnêtement, j'avais un peu des craintes parce que c'est pas facile d'égaler les véhicules allemands, on le sait. Ce sont des véhicules qui sont généralement bien faits, qui sont sportifs, qui sont agréables à conduire. Donc, on pouvait un peu avoir des réticences quant à la Genesis G90. Or, pas du tout. Évidemment, c'est pas une voiture sportive, on va régler ça tout de suite. Bien sûr, il existe une G80 Sport qui l'est un peu plus, mais malgré tout, c'est quand même pas un véhicule qui est fait pour des performances extrêmement dynamiques. Cependant, il faut pas négliger le moteur qui se retrouve sous le capot, un moteur V6 3.3 litres de 365 chevaux et de 376 livres-pieds de couple, un moteur turbo-compressé, bien entendu. C'est étonnant, en fait, puisque la voiture, on s'entend là, on ne parle pas d'un petit véhicule. On parle d'un véhicule qui pèse à peu près 5000 livres. Là. La fiche technique nous dit 4784. C'est énorme comme véhicule. C'est très gros. Donc, on ne s'attend pas à autant de nervosité. La beauté de la chose, c'est qu'il y a un mode sport qui nous permet de maximiser justement ce côté dynamique-là et qui vraiment va chercher le maximum du moteur. C'est intéressant parce que sur autoroute, ça nous permet entre autres des reprises importantes. Ça m'a permis de faire des dépassements dans une situation honnêtement, où je me sentais pas très en sécurité en me rendant vers Québec. Donc, c'est vraiment un véhicule qui correspond très bien à ce qu'on a voulu en faire du point de vue mécanique. C'est doté d'une boîte automatique 8 vitesses qui, ma foi, répond très bien et est totalement transparente. On n'a aucune difficulté à assumer pleinement le rôle de la voiture avec ça. Il faut préciser que la consommation n'est pas si importante non plus. Bien sûr, en ville, on nous estime à 13,7 et sur autoroute, 9,7. Je dois vous dire que j'ai réussi 9,5 sur autoroute avec la voiture en roulant à vitesse constante avec le régulateur de vitesse intelligent et adaptatif comme il se doit. Mais donc, sur cette base-là, la voiture est relativement économique. Ce qui en fait une grande particularité, c'est la douceur de roulement. Honnêtement, j'ai eu l'air un peu tatin. La voiture est tellement bien insonorisée et le moteur est tellement doux, tellement sans vibration d'ailleurs, que le moteur fonctionnait puis que j'ai repesé en fait littéralement sur le bouton pour le redémarrer. Vous avez compris que la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de l'éteindre. Mais ça vous donne une idée en fait à quel point tout ça c'est silencieux et tout ça c'est bien fait. Parce que, il faut le préciser, la Genesis, c'est un véhicule de luxe. C'est donc un véhicule qu'on a voulu... je dirais un peu particulier, on lui a créé littéralement un cocon dans l'habitacle. Cocon qui est en fait extrêmement confortable à plein niveau. D'une part, on vous l'a dit, c'est extrêmement bien insonorisé. Je pense que ça vaut la peine. D'autre part, c'est extrêmement bien fini. La qualité des matériaux, la noblesse des matériaux qu'on a mis à l'intérieur, vraiment, ça se distingue de ce qu'on le retrouve ailleurs. Et pour un véhicule qui, il faut le préciser, là, dans le cas, bon, évidemment, moi, j'avais la G90, qui est la plus grande des berlines de la famille. On parle de 84 000 $ de prix de base pour le moteur 3.3. C'est quand même pas très dispendieux si on tient compte qu'on fait face, je vous dirais, à des Audi A8 et à des BMW série 7. Évidemment, on n'a pas la qualité technologique probablement des BMW et des Audi. On n'a pas non plus tout ce qu'il nous faut au niveau du dynamisme de conduite, mais on n'est quand même pas si loin, il faut bien l'avouer, et honnêtement, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Autre détail, et mon fiston a adoré l'expérience, il s'est assis derrière, bien sûr, beaucoup, beaucoup de dégagement, il faut que je vous dise que fiston fait maintenant près de 6 pieds 3, donc il a besoin d'un peu d'espace. Il était là avec sa copine, ils se sont amusés à prendre les commandes arrière, à remonter évidemment les différents volets qui permettent une certaine intimité. Ils ont bien sûr joué abondamment avec les sièges chauffants, mais aussi avec toutes les commandes audio qu'ils peuvent avoir. Bref, c'est vraiment un espace qui est réservé à des gens à l'arrière où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Donc, c'est un véhicule qui répond très bien à la définition de ce à quoi on s'attend d'un grand véhicule de luxe relativement abordable. C'est donc une belle étape pour Genesis. C'est un bon début, je vous dirais. J'ai eu l'occasion de mettre la main aussi sur le volant de la G80 Sport quand je suis allé avec mon collègue Daniel Boudreau et Jacques Bienvenue dans le coin de Neuville, dans le coin de Québec, où on a tourné une émission virage avec les deux véhicules. Dans le cas de la G80 Sport, on parle du même moteur, évidemment. Véhicule un peu plus léger, avec une coupe un peu plus agressive, un peu plus dynamique. Parce qu'il faut le dire, la G90 a un arrière qui n'est pas trop loin d'une Jaguar ou d'une Mercedes-Benz. Là. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont copié, mais disons qu'on s'en est fortement inspiré. Avec, il faut le dire, parce que vraiment c'est quelque chose qui est remarquable, une valise qui est spectaculaire, bref, qui peut faire rentrer probablement la moitié de mon mobilier de maison à l'intérieur. Honnêtement, de ce point de vue-là, la Genesis G90 est un véhicule exceptionnellement réussi. Je vous le dis, bien sûr, les gens ont toujours un niveau de confiance un peu différent parce que c'est une division de Hyundai. Rappelez-vous cependant que Hyundai a beaucoup, beaucoup progressé. Donc, oui, un bon véhicule. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est dynamique? Pas vraiment. Est-ce que c'est agréable à conduire? Totalement. Est-ce que c'est confortable? Surtout, oui. C'est pas très cher. Donc, si vous êtes dans le marché pour des grosses berlines de luxe, ça vaut la peine de le considérer. Mais je ne pense pas qu'on soit encore rendu au niveau des BMW et des Mercedes-Benz de ce monde. Malgré tout, on est en très, très bonne posture. Je vais prendre deux petites minutes pour vous parler d'un autre essai que j'ai eu l'occasion de faire. L'Acura MDX, le grand utilitaire sport d'Acura. Un véhicule qui est, encore une fois, dans la gamme des véhicules de luxe, que j'ai eu l'occasion d'essayer pendant quelques jours. J'ai beaucoup aimé le moteur de ce véhicule-là, un moteur V6 que l'on connaît bien, qui est quand même assez puissant, qui permet quand même au véhicule d'être assez nerveux, d'être agréable. Le 3,5 litres de 290 chevaux. Surtout, en fait, ce qui m'a marqué, c'est le SH All-Wheel Drive, donc le système de traction intégrale intelligent de Acura, mais le confort de ce véhicule-là, encore une fois, un véhicule qui est vraiment conçu pour les occupants, pour offrir un bon support, pour offrir un bon système de conduite. Le problème, c'est l'espèce d'écran, double écran d'affichage d'ergonomie. J'en suis toujours pas revenu. C'est un peu complexe, c'est pas nécessairement convivial. Malgré tout, ça vaut quand même un essai. C'est un véhicule qui a progressé, qui s'est beaucoup, beaucoup amélioré, et je pense que c'est intéressant d'y penser. 53 690, c'est la version de base auquel il faut ajouter, bien sûr, transport, préparation. Moi, je vous dirais qu'il faut ajouter la navigation et peut-être même la coche supplémentaire. On va donc parler d'un véhicule qui va tourner davantage aux alentours de 65 000 $, ce qui n'est pas rien quand même, mais qui n'est pas excessif parce que vraiment, on a un véhicule qui est de bonne qualité, qui est de grande qualité, qui a perdu enfin son espèce de calandre en forme de rasoir électrique là, qui ne faisait pas nécessairement l'unanimité, l'espèce de lamelle chromée qui était là auparavant. Donc, je pense que de ce point de vue-là, en l'enlevant, on a fait un très, très bon coup et ça paraît, ça se ressent et ça vaut la peine de le mentionner. En terminant, parce que on va parler comme une ou deux petites nouvelles dans la série des petites nouvelles intéressantes, vous dire que la Chevrolet Bolt a connu tellement de succès que finalement on a décidé de la mettre en vente partout à la grandeur de l'Amérique. On avait réservé ça seulement à certaines zones. Oui, on la vendait au Canada, mais aux États-Unis, on la vendait seulement et surtout dans les zones où il y avait des lois zéro émission. À partir du mois d'août, donc avant la date prévue, on va étendre la vente à l'ensemble de l'Amérique du Nord. L'idée, probablement, c'est qu'on veut vraiment devancer Tesla et son modèle 3, qui devient de plus en plus concret, même si, honnêtement, c'est encore une fois, je dirais, un peu aléatoire dans le cas de Tesla. Oui, on va la sortir d'avance, mais on va la sortir dans des options et des couleurs limitées. On va la sortir sur des territoires limités. Bref, on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec ça. Mais oui, la Tesla Model 3 devrait arriver plus tôt que prévu. Ce qui fait que peut-être je serai obligé de tenir ma promesse. Mais je ne vous promets pas une vidéo si jamais c'était le cas. Dans la série des autres nouvelles de l'industrie, faut quand même pas négliger ce que Nissan nous a promis cette semaine, c'est-à-dire qu'ils étaient pour généraliser à l'ensemble de la flotte les systèmes de freinage automatisés. On espère donc que ça va améliorer le bilan routier. Jusqu'à maintenant, ça s'est avéré plutôt efficace. Donc, la totalité des véhicules Nissan aura désormais ce système, et ça, c'est à partir de la prochaine génération. Après ce bref commentaire de mon chien Harvard, on va continuer avec Honda. Vous avez peut-être vu, on va faire un peu de commérage sur Honda. En fait, vous avez peut-être vu passer des photos de Honda Civic Type R. Effectivement, la voiture, elle s'en vient, elle arrive bientôt. Elle serait, dit-on, dans les Laurentides actuellement à Icaire pour certains tests, certains derniers tests. Elle sera donc lancée au cours des prochains jours. On pense qu'elle est sur la route aussi pour, bien sûr, le Grand Prix, en faire quelques démonstrations. Mais on a appris aussi que la Honda Accord arrivait bientôt. On a vu des photos de prototypes arriver. Et la particularité de cette nouvelle Honda Accord, c'est qu'elle sera disponible sans moteur V6, c'est-à-dire qu'Honda va se contenter d'un duo de moteurs 4 cylindres turbo, donc des modifications importantes parce que Honda, on le sait, a toujours vanté les mérites de son V6. Or, dans ce cas-ci, on a décidé de laisser tomber la chose. Enfin, un dernier détail, c'est pas une nouvelle, c'est un commentaire, c'est une position purement éditoriale, mais j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Je lisais des documents, entre autres de mon collègue Jim Kenzie en anglais et d'autres que j'ai vus ailleurs. Un dossier qui traîne depuis 2008, qui m'a beaucoup surpris et j'ai envie d'avoir votre opinion là-dessus parce que ça part tout ça en fait du lieutenant Gary Meg, un lieutenant de police de la région de Détroit au Michigan, qui il y a quelques années a décidé de faire des rapports un peu à l'envers de ce qui se fait en matière de sécurité routière. C'est-à-dire que lui, qui a été longtemps membre de l'équipe d'expertise après les accidents, s'est aperçu en fait que la limite de vitesse actuelle était probablement la cause de plus d'accidents que si on l'augmentait. Oui, vous avez bien entendu, lui veut faire augmenter la limite de vitesse parce qu'il dit qu'actuellement, les conducteurs ne conduisent pas de façon efficace. Selon son estimé, entre 90 et 98% des gens ne respectent pas les limites permises sur les routes. Nos voitures sont capables de beaucoup plus. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens, il y a une trop grande variété, en fait, de vitesse sur les autoroutes. Ce que ça fait, c'est que ça rend la situation plus dangereuse. Ça crée des obstacles inutiles sur la route, des gens qui roulent à 90 km/h et d'autres qui dépassent la limite permise. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est la philosophie de base sur une route, c'est de fonctionner à 85% de la vitesse à laquelle les gens roule. Et d'après lui, donc, on devrait augmenter au moins à 120 km/h la vitesse sur les routes. Ce que ça ferait, selon lui toujours, c'est que ça ferait diminuer le nombre d'accidents sur les autoroutes. Ça permettrait d'avoir donc des randonnées plus sécuritaires. Honnêtement, j'ai tendance à être d'accord avec lui, à la condition, bien entendu, qu'une fois qu'on a augmenté les limites de vitesse, on les fasse respecter. Actuellement, on roule 118 km/h sans jamais être inquiété, et même parfois en se faisant dépasser par des patrouilles de la Sûreté du Québec. Alors moi, je pense que 120 km/h pourrait être une vitesse effectivement plus intéressante. Et oui, c'est vrai que ça limiterait probablement certains accidents parce qu'il est très très rare qu'en ligne droite sur l'autoroute, les gens aient des accidents à 120 km/h. C'est vraiment au moment où il y a des interventions différentes, il y a des obstacles qui arrivent en avant d'eux, alors que rouler moins vite ont tendance à créer plus de distractions, moins de concentration de la part des conducteurs. Donc, j'aurais envie d'avoir votre avis là-dessus. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement augmenter ça, d'autant que nos voitures sont maintenant capables de le faire. Bien sûr, les gens de sécurité routière vont probablement lancer des roches. Les gens d'environnement vont faire la même chose parce qu'ils vont me dire qu'à 120 km/h, on consomme davantage, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, on essaie de parler ici de sécurité. Et si vous regardez les routes où ça s'est fait, à Nouveau-Brunswick, on le fait. Certaines routes en Alberta, je pense, on le fait. On roule à 120, en Saskatchewan, excusez-moi, c'est pas en Alberta. À 120 km/h, c'est permis. Et les accidents, il n'y a pas plus d'accidents. Au contraire, on enregistre une certaine baisse d'accidents. Il est vrai que les accidents, malheureusement, ont tendance à être plus souvent mortels à 120 km/h et plus. Mais si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, le pourcentage d'accidents provoqués par la vitesse, dit-on, n'est pas plus élevé. Et pourtant, il y a des portions de route allemande qui sont sans limite de vitesse. Donc, j'ai envie de vous entendre. Écrivez-nous sur la page Facebook de Ça roule radio, bien sûr. Vous pouvez aussi le faire par courriel à saroule radio@gmail.com. Luc et moi, on reçoit les informations. Sinon, vous pouvez passer directement par mon blog, marcbouchard.ca. Vous avez là toutes les façons de me rejoindre. Mon compte Instagram, mon compte Facebook, mon compte Twitter, marc_bouchard. Donc, j'ai envie d'avoir vos commentaires sur cette position-là. Devrait-on, oui ou non, augmenter la vitesse permise sur les autoroutes? Ma réponse à moi, c'est oui. En faisant respecter cette vitesse-là, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Là-dessus, ben, ça met fin à cette émission un peu écourtée de la semaine. On va souhaiter à Luc une bonne fin de rénovation en espérant qu'il soit là la semaine prochaine. Et pour le reste, ben, on espère que quand même cette émission vous a plu, même si elle est plus courte. Et on attend vos commentaires. On a très, très hâte de les lire, de les entendre. Alors, je vous rappelle sur Facebook, saroule-radio.com. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne route. Soyez prudents et en attendant, ben, respectez quand même les limites de vitesse.